Hey you, do you hear me? We comment allez-vous en ce week-end, Pascal? Oui ou non? Jean-Rémy, Yann. J'ai réécouté la nuit à réécouter de tous vos sous dans votre panier. L'aviez-vous? L'intérêt de pas tout écoute. Mettre dans mon panier. Écoute, tout s'écoule, tout se vit, tout s'égare et tout se perd dans mon panier. As-tu entendu ce qu'il avait torqué au chauffeur éboueur qui lui a dit clairement qu'il allait crever s'il faisait travailler? Il lui a dit: mais monsieur, vous vous trompez de combat. Vous devriez militer pour une capitalisation de la retraite. Qu'il mange des brioches. Pas entendu. S'il n'y a plus de pain. Ta monture se fout de ses coups. J'adore ton réveil. Minuterie. Le réveil sonne, l'alarme. Il est temps de réagir, de payer ses impôts, c'est vrai. Oh, je ne sais pas quoi dire. Il faut que je m'explique, il faut que je m'exprime. Pour qu'il me presse, il faut qu'il m'exprime dans le premier sens de l'express. Il avait bien dit mon engagement. À quel point ta servitude est volontaire. Pas besoin d'un grand ni de voir ses faits sensibles. Tu te retrouves en proie à la volonté de résister. Plutôt sensible, prêt au sacrifice premier. Comme le mec qu'on a tous adulé sur la croix, celui qu'on a tous vu ériger. Danger. Faut savoir parfois avancer, masquer